sans toi qui est fort en nous. Nous ne voulons pas faire un pas sans toi. Jésus. Sans toi. toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans je toi. Je ne peux marcher sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Tu ne me laisses pas marcher. Tu ne me laisses pas marcher tout seul.